بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ندخل اليوم في الحديث 19، وإذا في وقت الذي بعده، لكن الله أعلم كيف سيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. Selon Abi Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui a dit: j'étais derrière le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: Ya ghulam, inni u'allimuka kadimat, ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajidu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah. Il a dit: oh jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, Allah te préservera. C'est-à-dire sa religion. Préserve Allah, tu le trouveras au-devant de toi. Si jamais tu demandes, ne demande que à Allah. Et si jamais tu recherches de l'aide, tu recherches de l'aide auprès d'Allah. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَى بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى لَكَ. Et sache que si la communauté entière devait se réunir pour t'apporter un bien, il ne saurait t'apporter qu'un bien que Allah t'a déjà destiné. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَى بِشَيْءٍ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et sache que si jamais ils se réunissent pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne sauront te nuire qu'en ce que Allah t'a déjà destiné. وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. Que les plumes ont été levées, que l'encre a séché, les feuilles. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ يَقُولُ احْفَظِ اللَّهَ تجده أمامك. Une version Tirmidhi dit: préserve Allah, tu le trouveras devant toi. تغرب فعل الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Reconnais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. وعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك. Sache que ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. وما أصابك لم يكن يخطئك. Et que ce qui t'a atteint ne devait pas, tu ne devais pas en être épargné. وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأنما العسر يسرا. Et sache que le secours vient avec la patience, l'endurance, et que la délivrance vient avec l'affliction. Non. Et que la facilité, et que plutôt avec la difficulté vient de la facilité. Non. فهذا حديث عظيم جدا. Un hadith qui est très important. ومن تأمله وفهمه وعمل به فهو الموفق وسيكون من ثمرة هذا الشجاعة والتقدم في هذه الدنيا. Quiconque prend conscience de l'importance de ce hadith, de ses sens, de ce qu'il renferme et l'applique comme il se doit, il ira de l'avant dans cette dunya et ne craindra rien du tout. Bismillah ta'ala. Et endurera ce qu'il subira. Donc ce hadith fait notion de la foi au qadar et au tawakkul et à la ma'iyya d'Allah azza wa jal. كذلك الاخذ بالاسباب والعمل وكذلك الصبر والرجاء الاسبوع. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يعلم عبد الله بن عباس. Il l'enseigne. Il était encore à l'époque un jeune garçon. D'ailleurs, il dit « Ya Ghulam » au jeune garçon. Et « Ghulam », à la base, c'est un mot qu'on emploie pour un garçon qui a à peu près du tamiz jusqu'à l'adolescence ou peut-être après même un baligh qui est encore jeune, on peut employer le terme « Ghulam » sur lui. « Ghulam » quand même, ça peut être employé également sur quelqu'un qui est baligh. « Hatta fi hadith » Al-Mi'raj, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux et qu'il a vu les anbiya, falamma marra bi Moussa baka Moussa faqala lahu ya Moussa ma abkak qala ya rabbi hina dal ghulam alladhi bu'itha ba'di yadkhulu al-jannata wa afdal ummatihi. Il a dit à Moussa, quand Moussa, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dépassé, Moussa s'est mis à pleurer Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais pleurer, Moussa? Il a dit, ô Seigneur, ce jeune garçon, il a dit, Hadal Ghulam, il parlait de qui? De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà plus de 40 ans à ce moment-là. Il a dit, il va entrer au paradis, lui ainsi que sa communauté. Donc, Shahid, Ghulam, le base, la base, c'est qu'on emploie sur un jeune garçon jusqu'à l'adolescence. Et ça peut même rentrer sur un balir. Sur un pubère. Donc, ce hadith nous montre qu'on enseigne aux enfants les choses importantes de la religion. Comme on fait à l'Annabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas. D'ailleurs, Ibn Abbas est devenu parmi les plus grands savants de la Ummah, car il a commencé jeune et il a vécu longtemps. Min al-Abadillah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Allahumma faqihu fi din wa alimhu al-ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire apprendre la religion et fais-lui comprendre le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Ibn Abbas est connu comme étant un des grands mufassirines du Coran. Il est parmi les muqsirines, mais de l'ahadith, celui qui apporte plus d'ahadith. Et pourtant, les gens se diraient comment il l'a fait alors qu'il était jeune. Tout simplement que beaucoup d'ahadith rapportés par Ibn Abbas, il ne l'a pas entendu lui-même. Du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de d'autres sahaba. De l'autre sahaba. Plein de choses se sont déroulées, il n'était pas encore présent, Ibn Abbas, qui rapporte. Donc ce n'était pas de lui qui a entendu directement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais d'autres sahaba qui l'ont entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça Mursal Sahabi. Et ce hadith-là, ce genre de hadith, sont authentiques. Car les sahaba sont tous des odoul. Tu sais que c'est un sahabi qui a entendu, même tu ne connais pas son nom. Dans le sens où c'est un homme qui est moubaham, et tu sais qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement dans le hadith, il n'y a pas de demander c'est quoi son hal. À Sohba, il y a Arfa, yani Martaba, and al-insan, Bad al-Nubuwa. C'est le niveau le plus haut d'être un compagnon. Et c'est tous des odoul. Tous des siqan. D'accord? Donc des fois, même Abu Huraira, des hadiths qu'il a rapportés, qu'il n'a pas entendu lui-même, qu'il a entendu d'autres sahaba. Et ainsi, ça ne revient, ça remet en rien en question l'authenticité du hadith. Autrement, au Mursel, qui vient du Tabi'i. Fayaqul ya ghulam inni u'alamika kalimat. Tu t'apprends des paroles simples, courtes, concises et résumées pour qu'elles soient mémorisées. Ada wal ahsan. Même l'ertisar fil kalam. Que ce soit résumé. Que ça permette dans l'esprit des gens et qu'ils le retiennent. Quand c'est long, ils oublient. قال احفظ الله يحفظك. C'est-à-dire protège Allah, c'est-à-dire sa religion. Même protège Allah, c'est-à-dire sa religion, Allah te protégera. Car Allah Azza wa Jal هو القوي تمام وهو الغني ونحن الفقراء والضعفاء. Donc Allah n'a pas besoin de nous, sûrement pas. Nous on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Mais là le sens c'est protège sa religion. Et protège sa religion. Comme a parlé le cheikh nafsu, yahfazillah, yani yahfaz dina. Protège Allah, protège sa religion. Yahfazillah, bifir awamirihi wa tark nawahi. Tu préserves Allah en appliquant les obligations et en délaissant les interdits. Ou yahfaz maharim Allah, bishtinabiha. Et préserve les interdits d'Allah en les évitant. Hadha hifzullah. C'est ça le fait de préserver Allah. À le comprendre comme il se doit. لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى حفظ هو الذي يحفظ الناس. Allah n'a pas besoin qu'on le protège, c'est celui qui protège les gens. Allah هو القيوم الحي القيوم الذي يقوم بنفسه. Celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre, et par qui les autres se tiennent. طيب. Donc là, cette action يحفظ الله يحفظك. On peut en déduire quoi comme hikmah? En premier lieu, que déjà, al-abd ou al-zi abda bil-amal, bi-salam. Pour que Allah te préserve, commençons déjà par préserver sa religion. Le résultat de cela, c'est que Allah va te protéger par la suite. Donc, ça, c'est parmi les adilas du tasabboub, de faire les asbab dans les choses. Pas sans dire tout est écrit, le qadar l'est écrit, j'ai rien à faire. Non, il dit yahfazillah. Yahfazillah. Kazalik, mimma. نستفيد من ذلك برحمة الله عز وجل وعبا عصر رحمة sur nous, c'est que nous il ne nous accompagne pas le résultat. Ce que nous accompagne c'est l'action. Le résultat il accompagne Allah عز وجل. Quand tu fais une chose, on a appris dans le hadith précédent l'ihsan, le bien à faire. Mais maintenant si cette chose-là tu l'as fait de toi-même avec ihsan, ça n'aboutit pas. Est-ce que tu prends un péché pour autant? Tu ne prends pas de péché. pas de péché. D'accord ? Ce qui demandait à, ce qui t'est demandé à toi, c'est de faire les choses selon les règles de la charia. Après, quand il y a un natija, tu te dis, c'est déjà arrivé que, ben, les gens entreprennent des choses, des causes pour arriver à une chose, et ça n'a pas abouti. Est-ce qu'ils ont empêché pour autant? Non. Il dit, Ya Rabbi, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est qu'Allah, la Kadab, tu ne devais pas arriver à avoir cette chose-là. Peut-être que tu auras mieux par la suite. En tout cas, ton 1, j'ai réécrit. Tu n'as pas de nox. Car des gens, ils ont pour philosophie, on dirait comme ça, falsafa, qu'on doit avoir le résultat. Et si on n'a pas le résultat, ben, c'est notre faute. On dit, ça peut l'être. Si jamais on a été négligent dans, dans les asbab. Tout comme ça peut être qu'Allah, la Kadab, que toi, ben, ça l'aide, tu as des gens. Ils se marient, ils font les causes, ils n'ont pas d'enfants. Salam, ils se marient pour avoir des enfants. Allah la Kadab, tu ne peux pas avoir d'enfants. Ni lui ni sa femme. Est-ce qu'on a un lot mal lui faire? Il n'a pas de lot mal lui faire. Il n'a pas de lot mal lui faire. Tu as des gens, ils apprennent le Coran avec peu d'efforts, très vite. Et d'autres, ils s'acharnent, ils se fatiguent, ils ont du mal. Allah Azza wa Jalla, il voit quoi? L'effort que tu as fourni. Il se peut que celui qui a fourni des efforts et qui n'a pas réussi ait plus de âge que celui qui a hafiz motqin, qui l'a fait avec toute facilité. Car comme dans le hadith, vous savez que celui qui laisse le Coran ou un mahir, fawa ma'al safar al-barra. Et celui qui a du mal et tata'ta'a bi kirat le Coran, lui, il a le âge marratin. Celui qui a du mal mais qui fait l'effort, il a deux fois la récompense. C'est-à-dire, ça commence, ça n'est pas perdu. Donc, nous, le muhim chez nous, ce n'est pas le natija, le résultat. Nous, c'est les causes. Comment on a pris les causes? Comment on a cherché le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal? Voilà, c'est ça qui nous importe. Yom al-Qiyama, Allah ne dira pas pourquoi tu n'as pas réussi à faire telle chose. Ou pourquoi, il te dira juste pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Ou pourquoi tu délaissais telle chose. Ah, mais le résultat, là, tout ça, là. Là, nous, ça, là. D'où Rod aux gens qui disent qu'il faut absolument faire, mettre en place un État islamique. On est là, État islamique, c'est le natija qu'Allah nous a accordé si on fait ce qu'on attend de lui. Mais si demain on meurt sans État islamique, on a commis un péché? Sûrement pas, il n'y a pas d'elle qui dit qu'on doit faire ça. Si on ne le fait pas, on a un péché. C'est écrit nulle part, ça. On ne l'a pas imposé. Mais si on le fait, on sera gratifié. Si on fait les causes, on sera gratifié par le fait qu'on aura cela. Donc si on veut avoir ce résultat-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les causes. Et si on y aboutit, alhamdulillah, on n'y aboutit pas, c'est qu'il y a un khalal ou qu'il y a la qadda, que ce n'était pas le moment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé ses sahaba pour dire on va faire un état. Ça leur a été donné, au fur et à mesure. Chien fâché. Non. Donc ça, ce hadith, ça le prouve. Irfas dila, irfas ka. Pour qu'elle te préserve, qu'est-ce que tu fais toi? Tu poses à sa religion. Comme a dit le hadith, man yatasabba li sabbilahullah. Celui qui s'arme de patience, en premier lieu, Allah lui accordera la patience. Donc toi commence par le premier pas. Wajah fi hadith an Nabi Hurayra qala Allah azza wa jalla hadith kursi qala iza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa iza ja'ani yamshi ataytuhu harwala. Que si jamais mon serviteur s'approche de moi d'un lampon, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'approche de moi d'une coudée, je vais de lui ba'an, c'est une distance qui est plus grande encore. Et s'il vient vers moi en marchant, je voudrais vers lui en accourant. Ça veut dire que toi, tu commences par faire le premier pas. Innama al balar ou alina al-hisab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa, il l'a fait pour appeler les gens. Est-ce qu'on lui a convaincu que les gens soient guidés? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Si demain quelqu'un, tu lui as fait da'wa, il ne s'est pas converti. On va dire que tu es un fachil. On va dire que c'est ta faute. Si tu as fait les choses comme il faut, bi hikma, tu n'as pas fait des choses qui l'ont fait fuir ou quoi. D'accord? Tu as dit les choses comme il faut. Quitte à le faire fuir, c'est d'être fui parce que lui, il a un point dans son cœur, ce n'est pas de ta faute non plus. Tu as dit les choses clairement, mais Bilati Yarsin, il n'a pas accepté. Est-ce qu'il y a un lobe sur toi? Cependant, là, c'est-à-dire aujourd'hui, on serait dans le péché que la plupart des gens sur Terre, des koufars, ils ne sont pas convertis à cause de nous. On a une part de faute, ça. Laquelle? Qu'on n'a fait pas la religion comme cela. On n'est pas unis. Donc les koufars, ils ne voient pas de concret chez nous. À part chez Ta'ifa Mansoura, c'est tout. Mais réel zadika, toi, par exemple, à ton cas personnel, tu vas voir ton père, tu lui fais da'wa, quand en islam, tu fais le bon comportement avec lui, tu fais tes wajibat, tu lui parles quand tu peux, tu fais dans siha, et il meurt kafir. Est-ce que toi, t'as un lobe? Non. tu as ton ajr de ta da'wa. Il serait rentré en islam, tu aurais le ajr qui t'est suivi. Mais ça, ça vient à qui? Ça vient pas à toi, ça. Abu Talib, quand on parlait l'autre jour, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand même, son oncle, l'ami sallam, on va dire qu'il a fait da'wa comme il fallait. Il a fait da'wa, c'est qu'Allah a décrété que lui, il serait une nar. Il n'y a pas de blâme par rapport à ça. Il n'y a pas de regret à avoir. Tu as fait les choses. Faut de ma parole. قال هذا من قبل الله فهو جزاء والجزاء من جنس العمل. Donc là, le fait qu'elle te protège, cela, c'est, on va dire, la rétribution. On va aller comme ça. Et la rétribution, elle est en mesure de la nature de l'acte. Ton acte est bon, la rétribution sera bonne. L'acte, il est mauvais, il en sera le tel. Par la suite. ثم قال احفظ احفظ الله تجد تجاهك. Préserve-le, tu le trouveras au devant de toi. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il est karim. Subhanahu wa ta'ala. Et هذه من أدلة المعية. La ma'iyya, ma'iyya, c'est vient du mot ma'a, du zarf ma'a, qui à la base en arabe veut dire avec ou en compagnie d'eux. Donc ça revient à la compagnie d'Allah, à la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Mais dans quel sens? Que Allah t'apporte son soutien, que Allah est avec toi. Non pas par son essence, mais par son tawfiq. Même ça vient dans le hadith qu'on va prendre plus tard de Abu Huraira. Qu'Allah taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya al-hadith. Hakadha. Comme qu'Allah Moussa, comme qu'Allah dit Moussa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez, allez, Firaun, allez voir Firaun, je suis là avec vous. Dans quel sens? Qui vous soutient, qui l'entend, qui voit, qui vous protégera. Qui vous protégera, qu'Allah vous protégera. Après la ma'iyya, elle est en deux sortes. Il y a celle qui est khassa, qui est pour khawas les mu'minin, les awliya, et amma, celle qui est pour tous les croyants. Et même pour les kuffars. Même pour les kuffars. Allah, il est wa ma'akum inma kuntum. Allah, il est avec vous où vous soyez. Dans quel sens? Qui voit ce qu'on fait? Inna Allah la yakhfi alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Car Allah, il n'y a rien qui lui échappe dans la terre. Donc il est avec nous. Quand il est avec nous. Comme sifatihi al-ilm. طبعا سواء ثم قال اذا سالت فاسال الله si tu demandes alors demande à Allah اذا طلبت شيئا فاطلبه من كريم المنان سبحانه الذي عنده خزائن السماوات والارض ولا تسال الناس وسؤال غير الله على نوعين donc si jamais tu demandes quelque chose demande-le en premier lieu au كريم au منان منان من اسماء الله عز وجل يعني celui comment on traduirait, qui ratifie dans le sens. Celui qui a les trésors des feux de la terre. Il ne demande pas aux gens. Après, il dit que le fait de demander autre que Allah, c'est de deux sortes. C'est le mas'ala qu'on prend souvent dans tout salafa, dans le dua. Le dua qui doit mas'ala. Pas dua ibada. Dua ibada, ça, il n'y a que pour Allah. Azawajal. Dua mas'ala, le fait de faire une demande. D'accord? Tu as celle qui est permise lorsque tu demandes à une créature qui est en mesure de répondre à ton attente. Parce que da'a, le verbe da'a, c'est invoquer, ça peut être aussi invité, ça peut être appelé, ça a d'autres sens. D'accord ? Donc le do'a l'irélillah, il faut voir le tafsil qu'il y a dedans, le détail qu'il y a dans la question. Donc demander autre qu'Allah Azawajel à une créature dans ce qu'elle est en mesure de faire, c'est pas du chèque. Maintenant, demander à une créature ce qu'elle ne peut faire, ce que seul Allah peut faire, tu en as le chèque. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, il y a Foulen, accorde-moi d'avoir un enfant. Qui c'est qui peut donner des enfants? C'est Allah, c'est pas lui. D'accord? Tu dis Foulen, fais-moi rentrer au Jannah. Qui c'est qui va rentrer au Jannah? C'est Allah, c'est pas Foulen. Pourtant, il est devant toi, il t'entend. Mais il peut rien faire pour toi à ce moment-là. Ou Foulen, telle et telle chose. Maintenant, tu lui demandes une chose qu'il peut faire. Ah, là, Moubah, c'est permis. C'est permis. C'est même des fois, c'est un haq. L'enfant, on a son père. Masalan, pour que les mahkoumoun demandent au hakim, au gouverneur, masalan, d'accord, t'as les demandes, elles sont un droit de la personne. Donc lui, dans ce hadith, il fait allusion, et c'est du shirk akbar de demander à autre qu'Allah, parce que seul que Allah peut faire, c'est du shirk akbar, qui sort de la umma, je vais le préciser. Tayyib. Et il dit, le fait justement de demander aux gens, tas'al, izir teshta, lakin el aula, بالعبد أن يتعفف عن السؤال عن سؤال الناس لأن في السؤال مذلة ونقصا في التوحيد. Il a dit, tu as le droit de demander aux gens. Là, il parle de choses dont tu peux te passer, peut-être, ou tu peux patienter. Cependant, le fait de ne pas demander cela est préférable. Que tu te fasses preuve de retenue. Car le fait de demander aux gens est une chose qui rabaisse et un manque dans le tawhid. Là, il parle du fait de demander des biens aux gens ou des choses que tu peux te débrouiller tout seul. D'accord ? Et min ashad ma yakun min ala su'al, le genre de su'al, c'est que les gens font au nom de la religion, qui sont une chose qui est très répandue aujourd'hui, comme vous le savez. Notre cher, notre imam Mokbil Wadiyah, quand j'ai une autre, dans le sens âme, qu'on est parmi les toulades de Futoulab, mais qu'on n'a pas connu, il a écrit une petite risala qui s'appelle Zam al-Mas'ala, qui est le blâme de la demande, dans lequel il montre cela. Il lui-même disait que, qu'une personne, un mendiant demande pour lui, dans le besoin, cela est préférable que quelqu'un qui vient, qui demande au nom de la religion. Car celui qui demande au nom de la religion, qu'est-ce qu'il fait? Il rabaisse tous les musulmans dans cela. Il rabaisse la da'wah. Il rabaisse l'image, surtout ceux qui ne font pas au nom de la salafia. Ils vont passer les salafis pour des mancuriens qui tendent la main vers les gens et qui demandent donnez-nous pour un masjid, donnez-nous pour telle chose, donnez-nous pour telle chose. Voilà. Donnez-nous pour telle chose. On dit en premier lieu, comme on disait tout à l'heure, est-ce que tu as fait les causes, tu as déjà légiféré pour demander à Allah qu'il te donne les choses différentes. Est-ce que tu as fait, comme on n'est pas dans les deux précédents, les doigts aux al-istijaba. Est-ce que tu as fait les causes pour que ton doigt soit exaucé? Voilà, Kaza. Est-ce que tu as demandé à Allah en premier lieu? Plutôt qu'à demander aux gens directement. En plus, il demande à n'importe qui. Il demande à n'importe qui. Maintenant, des fois, tu as des cas de daroura. Tu peux te demander. Tu as même des cas, c'est wajib de demander. C'est des cas particuliers. T'as même. Et ces cas-là, en plus, ils rentrent dans quoi? Dans les cas personnels. Toi, tu as fait faillite. Ou tu as perdu tous tes biens, ou tu rentres dans une dette pour concilier entre des gens ou réaliser des cas. Il y a des cas. Mais les cas de da'wah, d'accord, bien que certains ulama ont dit na'am, permis avec des conditions, les gens respectent jamais les conditions. Ils dépassent les limites. Ils dépassent les limites. Et tu verras ce genre de personnes, ils ne sont pas moins fakoun dans ce qu'ils font. Tu les verras tout le temps, ils ont un mouyoul vers le inhraf ou l'isbiya, en général. Dès qu'une fitna, ils tombent dedans. Et il a bien dit, c'est un noqs dans le tawhid. Cette demande que ces gens-là, ils font. Et dans sallallahu, que c'est un noqs dans le tawhid. Et c'est mukharafat tariqat al-salaf également. Ça suppose avoir des salaf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris à ses compagnons de ne rien demander. Comme ce hadith. Ce hadith lui-même. Que eux-mêmes, ils enseignent dans leur centre, qui disent qu'ils vendent le livre. Regarde le hadith, est devant toi. Tu es là, tu khalaf. Tu demandes dans un lieu, dans une chose qui n'a pas de lieu de. Une fois, j'ai vu un commentaire d'un frère, il l'a trouvé très pertinent. Même, on va dire, assez marrant. Il parlait du centre Forcon, qui est en Belgique. Ils ont fait un Dora, il y a quelques temps. Ils ont fait une Dora, qui s'appelle un séminaire. D'ailleurs, c'est un mot évité, séminaire, parce qu'à la base, c'est un mot qui est lié aux gens du livre, quand même. Qui était le fait d'apprendre aux moines ou quoi, pour monter en niveau, je sais quoi. Al-Muhim. Donc, bien sûr, comme d'habitude, eux, ils sont connus pour être des grands mendiants de la da'wah. Ils font même des boîtes maintenant dedans avec leur nom, tout ça. C'est devenu une spécialité, c'est devenu un fun, un art, presque. Et demander aux gens de les aider pour faire leur da'wah, leur séminaire. Aidez-nous, kaza et kaza. Et après, il y a un frère qui a fait le tarlik. Et après, ils disent il y aura du café gratuit pour les sœurs. Il dit qu'il est gratuit. Vous demandez aux gens de l'argent, après, tu dis café gratuit pour les gens. Vous manquez du genre, vous manquez du monde, quoi. C'est quoi ce scénario-là? Tu demandes aux gens qui te donnent et après tu fais genre, t'es généreux, tu offres aux gens un café et un chai, du thé ou des boissons. Tu vois? Il dit, c'est... Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, non, franchement, le frère, là, si, sous quelle main, il est pertinent. Rien à dire. Et ça, c'est des petites choses qui te montrent que ces gens-là, comment ils sont, tu vois? Comment ils sont? C'est du profit pur. C'est du profit pur. Donc, non, c'est... Après, il dit, quel facteur me fait arrêter? Non, donc Allah Azza wa Jal, à la base, il veut qu'on lui demande. Comme encore le Ta'ala, ou de Salaka Ibadi Ani Fani Karib. Ou Drouni Astajib Lakum. Que si jamais mon serviteur me demande, je suis proche. Donc Allah, il est Samir Mujib. Il entend et il répond. Quand il répond, il faut aller cause. Pour qu'il nous entende, dans le sens qu'il entend notre dua, dans le sens qu'il répond. Ah, maintenant, il entend. Ojibu da'wat da'i zida'an, que je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle, Falastajibuli wa yu'minu bi la'alami al-shudud. Qui me répondent à mon appel à moi, c'est-à-dire qu'ils ont appelé à la taqwa, à l'istiqama. Allah t'a appelé une chose pour que lui te réponde également. Et qu'il croit en moi afin qu'il soit sur la droiture. Afin qu'il soit sur la droiture. Thumma qala, idha ista'anta fasta'in billah. Si jamais tu recherches de l'aide, on recherche de l'aide auprès d'Allah. Al-isti'ana. Al-isti'ana wa talab al-aoun. Le fait de rechercher de l'aide. Wal-tafsil sur l'isti'ana, c'est comme le dua. D'accord, l'isti'ana, elle est permise pour autre que Allah dans ce que cette personne est en mesure de faire. Tu as le droit de demander de l'aide. Mais à la base, l'isti'ana ya billah, comme on a dit fil fadiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Même si c'est toi que nous adorons, et c'est auprès de toi que nous cherchons de l'aide. Donc l'isti'ana, c'est une ibadah. D'accord, c'est une ibadah. Après, il y a un tafsil. Quand est-ce que elle devient pour autre que lui, que c'est du shirk akbar, quand est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est le même tafsil que الدعاء لغير الله. ثم يقول. Donc tout ça, il enseigne à qui? Ibn Abbas, un enfant. Un enfant, un jeune garçon. Chose que malheureusement à notre époque, beaucoup d'adultes d'entre nous n'ont pas compris encore. Adultes et personnes âgées, on n'a pas compris. Lui, il enseigne un enfant, et ce hadith-là, il n'a jamais oublié, il le rapporte jusqu'à notre époque, aujourd'hui, en 1441, il nous parvient. Et on l'enseigne, et biznillah, on l'enseignera, il a intercoumé ça. Yaqul, wa'alam anna l'ummata l'oujtama'at. C'est-à-dire que sache que c'est la umma. Là, il ne parle pas de la umma islam, il parle de la umma les hommes entiers, la terre entière. Se réunissent pour t'apporter un bien. Ils ne t'apporteront qu'un bien que Allah t'a déjà prescrit. Donc personne ne peut rien faire pour toi. C'est une chose que Allah t'a qu'adar. Cette chose-là devait t'arriver, elle va te parvenir. Que ce soit une personne qui t'aide ou des milliards qui t'aident, elle te permettra. Tu peux en être sûr et certain. Et le contraire également. Si ils se réunissent pour te faire un mal, la terre entière, ils ne te feront que ce que Allah t'a déjà écrit. Tout comme s'il veut qu'il ne t'arrive rien, il ne pourra rien te faire. Comme a dit Allah, الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فقلوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. Lorsqu'il était dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que des gens se réunissent pour vous, c'est-à-dire pour vous combattre, face à leur rajouter de la foi. Croyons. Ils ont dit حسبنا الله qu'elle nous suffit ونعم الوكيل quel bon garant. Car ils savent que Allah leur a promis qu'ils auront cela allait leur arriver, que les Ahzab, c'est-à-dire les Mushrikoun et les Kitab allaient se réunir pour les combattre. Donc cela a rajouté quoi? De la foi. Ils ont dit, Allah nous l'avait dit que ça allait arriver. Et malgré cela, eh bien c'est eux qui ont eu la victoire. Donc ça t'amène à quoi? Hada fihi al-iman bi qada wa al-qadar. Cela t'amène à croire au destin, au qadar. D'accord? Et au qadar. Car les gens n'ont aucun pouvoir dans la main. Les gens ne sont que des asbeb. Que si Allah veut qu'il t'arrive une chose, par exemple, que tu te fasses tuer, le tueur ne sera qu'un sebeb. C'est Allah qui a décrété que tu allais mourir. Ça peut être accident de voiture, ça peut être meurtre, ça peut être maladie, une bactérie. Tiens, regarde aujourd'hui ce qu'ils ont là, leur maladie, là, le coronavirus. Regarde. Voilà, il y a la mojoun de Rabbika illahu. Avec tout le mal qu'ils ont fait, ils sont détruits par des créatures qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Avec leur puissance mondiale, disons, ils ont telles armées. Kaza, regarde, une créature, tu n'as même pas à la voir à l'œil nu, à l'attraper, à la tenir. Elle est en train de vous pulvériser et vous mettre la panique dans le cœur. Tu vois, pour te dire qu'Allah, il y a Vélikiv. Il y a Yujima Adjouj. Ils sont détruits par quoi? Pareil. C'est un verre. Si je me rappelle bien, un doud. Une maladie avec un verre qui va les pulvériser. Ils vont venir, ils vont tout décimer sur leur passage. Un vrai ravage. Ils vont tuer tout le monde. Et Allah va les exterminer comment? Avec un verre. Avec un verre. Il y a seulement une bactérie ou une maladie par rapport à ça. Pour te dire. Quelqu'un peut arriver avec tout son attirail de l'armée. Un microbe, il vient. C'est fini pour toi. C'est fini. Un moustique, il vient. Paludisme, malaria de niveau. Hop, c'est fini pour toi. Tu vois. Une araignée. Une des plus petites et la plus puissante au monde. La veuve noire. Voilà comment elle est petite. Toute petite, la veuve noire. Elle te pique. T'as pas l'antidote, sur le moment. C'est fini pour toi. Sans compter d'autres créatures encore qui existent. Voilà le moustache. On peut te dire, tu vois, l'être humain n'est rien du tout. Il est rien du tout. Donc toi, il est tafakkur ta zalika, fama alika ilan tataqaddam. Tu n'as juste qu'à avancer. Ce que Allah te dit de faire, fais-le. Fais-le. Rapporte-toi ce hadith-là que personne ne pourra te faire. Ne te dis pas si je fais ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Tu dis si, que tu dois faire. Allah te l'a ordonné, d'accord, et qu'il n'y a pas devant toi des choses qui te montrent que vraiment ça va te nuire. Parce que des fois, il y a des choses, c'est d'arroulant, tu ne le fais pas. Tu as des choses qui sont devant toi, la yakin, que ça va te nuire. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que tu le fasses. Et si c'est juste des zonons ou des pensées ou quoi, va de l'avant. Wallah, l'eau. تأمل حكام المسلمين مثل هذه الأحاديث اليوم ما وصلوا إلى ما وصلنا إليه. Si les gouverneurs aujourd'hui méditaient ce genre de hadith, on serait pas aujourd'hui avilis dans les koufars comme on l'est actuellement. Tu vois, ils ont dit on a peur de l'Amérique, on a peur de la France, on a peur de la Russie. On dit l'Ojtama ou la Anya Doruka Bishay. Si ils se réunissaient pour te faire du mal, rien. Mais seulement, commencez-vous par quoi? Irfazullah. Et aujourd'hui, ils le font, ils le font pas. Ils le font pas. De façon générale, ils ne le font pas. Donc, résultat, voilà ce qui nous arrive. Vous le disiez au début, les causes n'ont pas été faites, l'échec a été annoncé. Les causes seront faites comme il se faut, comme il se doit. Inch'Allah, le résultat incombe à Allah et il se peut qu'on le voit. Il se peut qu'on le voit. Et si on ne le voit pas, fil dunya, pas fil akhira. Et après, il dit Rufi'at al-aqlam wa jufat al-suhuf. Que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. C'est-à-dire quoi? Al-Qadar intaha. Fil lawh al-mahfouz. Tout était écrit. Maintenant, le fait que ce soit écrit, la ya'ni dhalika alla ta'amal. Parce que dans le hadith, il le dit bien. Ihfazillah. Il te dit d'agir. Il faut que tu agisses quand même. Ne te dis pas, c'est déjà écrit, j'ai rien à faire. Si tu as à faire, car tu ne sais pas ce qui t'a été écrit à toi. Tu ne le sais pas. Et hadha hu, hadha imtihan l'insan fi imani. C'est un test pour lui. Lorsqu'il voit, مثلاً, des épreuves devant lui, est-ce qu'il va aller de l'avant, ce qu'il va affronter pour Allah Azza wa Jal? Sinon, si on savait tout depuis le début, il n'y aura pas de faïda. Il n'y aura pas de faïda. Naam. Donc tout a été écrit. Donc ce hadith-là t'emmène à croire au Qadar. Et comme on l'a dit au début, t'emmène également à savoir qu'Allah Azza wa Jal est avec toi. Après, cela en mesure de ton istiqama à toi, ton tawakkul à toi, ton iman à toi, ton tawhid, tes a'mal, tes ibadat, tout cela, ton ikhlas. Kullu bihasm. Thumma yakul, wa fi riwaya thaniya, dans le deuxième version du hadith, ta'arrafa ilallahi fi roha, yani fuka fi shidda. C'est-à-dire, reconnais Allah dans l'aisance, au moment où tout va bien. Allah te connaîtra dans la difficulté. Yakul, كن قريبا من الله في جميع أحوالك في حال رخائك وعدم حاجتك لا تلتفت عن الله عز وجل وكن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته. Il a dit sois proche d'Allah en toute situation. Ça revient au hadith la dernière fois. اتق الله حيث ما كنت. Dans ton aisance, même quand tu n'as pas de besoin particulier, demande quand même et reviens vers lui. Tamam. Ne te détourne pas d'Allah. C'est-à-dire, reste sur son obéissance. D'accord? Et délaisse ses interdits. Il y a qu'Allah Azza wa Jal, من الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابتهم فتنة فإن أصابه خير اتمنى به. وإن أصابتهم فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين. Que parmi les gens, certains attendent Allah fragilement. Si un bien les touche, ils sont contents. Tout va bien. Si un mal les touche, ils se retournent. D'accord? Il se retourne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, ils perdent la dunya et l'au-delà. C'est-à-dire, c'est comme s'ils adoraient Allah à condition. J'adore Allah si il m'arrive telle chose. Si j'ai ce que je veux, j'adore Allah. Tu dis, Allah, il n'y a pas besoin de toi. Ceci-là, il ne servira à rien du tout. Au contraire, il va te nuire. C'est toi qui as besoin d'Allah, Azza wa Jal. Ah, là, on a des gens, quand tout va bien, ils oublient. Comme encore Ta'ala, le chien, le verset. Qu'Allah, inna l'insana la tara, arrahu starna. Certes, l'être humain est outrancier, et je le vois comme s'il se passait. Il n'avait pas besoin. Tu vois? Et ça, c'est ça. T'as des gens, ils sont comme ça. Lorsqu'ils ont ce qu'ils veulent, ils ont ce qu'ils voulaient. Voilà. ils oublient. La shidda, c'était bouka, pleurs, soujoud. Tamam, masjid. Le jour où tout allait mieux, ils ont tout oublié. Combien on a vu de cette fitane comme ça? Et ça, c'est un adam l'ikhlas. C'est pour ça qu'après, les fitanes reviennent. Ou des fois, elles partent pas. Il dit, na'am. فإذا استغنى الإنسان نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله فإذا مرض لجأ إلى الله وإن صح شوفي نسي الله عز وجل فهذه حالة سيئة تدل على ضعف الإيمان. L'état des gens, lorsqu'ils se passent de là, ils oublient Allah عز وجل, car ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Allah. Ils disent tout ce qu'il me faut. Et lorsqu'ils deviennent malades, ils reviennent vers lui. Et lorsqu'ils sont guéris, les voilà qui oublient Allah à nouveau. Et ça, c'est une situation qui est très mauvaise, dit, qui démontre la faiblesse de la foi. Donc toi, prépare tes moments de difficulté qui vont t'arriver inévitablement. L'épreuve, comme vous le savez, elle est inévitable dès maintenant. Tant que tu es bien, que tu peux faire les choses maintenant, fais-les. Le jour où la shidda va arriver, Allah, il sait ce que tu as fait dans le moment d'aisance, dans le moment de difficulté, il va te secourir. Il va te secourir. Donc prépare dès maintenant. Les gens, ils le font dans leur dunya. Ils préparent les choses de l'hiver en été. On prépare l'akhirah. On prépare l'épreuve qui va nous arriver, qui n'est inévitable. Et surtout, on prépare l'au-delà. Les affres de l'au-delà sont les plus dures. Le shérif fait allusion. Le fait de revenir à Allah lors des difficultés. Que tu as fait des offres pieuses. Le jour où tu es en difficulté, tu invoques Allah par ces offres pieuses pour qu'il te délivre. D'accord, comme les gens de la caverne. Les trois de la caverne qui ont été informés dans une caverne, chacun a cité des œuvres pieuses qu'il a faites. À ta part que le rocher s'est dégagé, ils ont pu sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs actions qu'ils ont faites, au moment où ils s'est fait raha, zakaruha lillah fi waqt shidda fa Allah faraja anhum. Mais des actes qui ont été faits avec ikhlas. D'accord, avec ikhlas. Par exemple, c'est également l'exemple de Younous, alayhi salam. Qala sahib al-hout. Qala Allah azza wa jal. Falawla annahu kana min musabbihin, yani kana min musallin. Fi halati raha. Younous, alayhi salam, le messager, qui, avant de faire parvenir le message à son peuple comme il se doit, s'en est allé. Et il lui arrivait ce qui lui arrivait sur le bateau, qu'il est monté sur le bateau après une tempête, et qu'il a été décrété qu'il devait être jeté à la mer pour que cela se calme. Et dans la mer, un poisson immense l'a avalé. À ce moment-là, il dit quoi à Azza wa Jal? Laoula annahu kana min musabbihin. Ce n'avait pas été de ceux qui ont le tasbih. Il s'explique comme dans la salat, c'est-à-dire au moment où tout allait bien. La labisa fi botni le yuma yub'athun. Il serait dans le ventre de cet animal-là jusqu'au jour où il serait ressuscité. Jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que ces actions qu'il a fait auparavant, dans l'aisance, lui ont servi à le porter secours lors de la difficulté. Donc ce n'est pas tout va bien, tu ne fais rien, et quand ça ne va pas, tu fais. On dit non, quand tout va bien, fais. Et quand ça ne va pas, continue à faire, mais tu auras, inchallah, la délivrance. Il le dit, le shir. Qala. Fal muslimu ya'rifullah jalla wa ala fil shiddati wa raha. Amma al kafiru fala ya'rifullah illa fi halati shiddah. Qala Allah ta'ala. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه فلما نجاهم أو نجاكم من البر أردتم وكان الإنسان كفورا. Il a dit, le musulman reconnaît Allah en toute situation, dans l'aisance et dans la difficulté, alors que le kafir ne reconnaît Allah que dans la difficulté, dans le sens où Allah dit, et que lorsque le mal vous touche alors vous êtes sur mer, il délaisse ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Et lorsque Allah les secourt sur la berge, et voilà qu'ils se détournent. L'homme est vraiment ingrat. L'homme est vraiment ingrat. Donc l'homme, lors de sa difficulté, il est sincère. On les voit, les koufars. Souvent, tu les vois. Lors d'un moment de difficulté, il y avait une vidéo que les gens avaient envoyée il y a quelques temps, lors justement, on parlait l'autre jour, de l'incendie qu'il y avait aux États-Unis, là, en Floride, là, la Paradise là, qui a brûlé. Il y avait une vidéo d'une femme dans une voiture. Déjà, je ne sais pas comment elle fait pour filmer à ce moment-là. Franchement, il est trop loin de filmer même dans ce moment-là. Elle remue des flammes, elle conduit sa voiture, elle est toute seule, et elle filme. Et elle en pleure et en panique. Et elle dit en anglais, oh my God, please, my God, elle invoque. Et à ce moment-là, les moukhissa, akid. Tu vois. Et ça faisait penser, le frère qui avait envoyé la vidéo, il a mis le verset. Il dit ça, c'est exactement ça, miya bin miya. Il y avait les flammes autour d'elle. Il n'y a que qui à ce moment-là, il n'y a que Allah. Il n'y a que Allah pour toi à ce moment-là. Elle a invoqué. Bon, en même temps, un film. Je ne sais pas comment elle a pu trouver la force de filmer. Est-ce qu'après, c'est soumis à Allah? On ne sait pas. Mais normalement, c'est un ders. Tu vois, c'est un ders à prendre. Fumaqal, wa'alam an al-nasr ma'a sabr. Sache que le secours vient avec la patience. Donc tu ne sauras voir une victoire si ce n'est avoir auparavant avoir vu un combat, comme on dit. Et la victoire ne peut se savourer si ce n'est pas auparavant avoir connu la difficulté. Sinon, tu ne la ressens pas la chose. D'accord ? À quel moment l'homme ressent la saveur du mariage ? Quand il a connu le célibat. À quel moment l'homme connaît la saveur du fait d'être rassasié ? Quand il a connu la faim. À quel moment l'homme reconnaît le plaisir de d'avoir été abreuvé quand il a connu la soif. T'es obligé de connaître cela, ce qui montre la sagesse de l'épreuve. Les gens disent pourquoi on est éprouvé. On dit pour que tu connaisses la ni'ma de la délivrance par la suite. Sinon, tu ne vas pas la reconnaître. Et celui qui n'a pas connu cela, quand par exemple des gens riches qui n'ont jamais connu la pauvreté, regarde comment ils sont, orgueilleux, prétentieux, insolents, hautains. Ils n'ont pas connu la shidda par avant. Mais le pire, c'est celui qui a connu la shidda, la pauvreté, qui devient riche, et après se comporte comme eux. Alors lui, il est pire que tout. Dans le hadith de Salah, les Bani Israël, celui qui était chauve, celui qui était abras, abras, dit la lèpre, c'est pas trop la lèpre, c'est une maladie où ta peau change de. T'as des parties blanches, des parties. Le mohim, c'est une maladie de la peau. Et l'autre qui était aveugle. L'ange, il est venu, il a dit à celui qui était chauve, il a dit, ou plutôt celui qui est abras, ma habouché ilik. Chose que tu préférerais. Il a dit que cette maladie part de moi et que les gens ne me dénigrent plus. Il a touché, il a rendu une peau, une belle peau. Une belle couleur de peau. Il lui a dit, Ayoumel Habelik, quel est le meilleur bien pour toi? Il a dit, El Ibil. Il lui a donné un chameau, une chamelle plutôt, pleine. Il a dit l'ange, Barakallahu lakafiha, qu'Allah te donne la baraka dans cette chamelle. Après, il est parti voir l'autre. Celui qui n'avait pas de cheveux, le chauve. Il a dit, Ayushi Ahabou les gars. Or là, Al-Shar Hassan, avoir des beaux cheveux. Et que les gens aient de me dénigrer. L'ange, Masahu, l'a touché, il a eu des beaux cheveux. Après, il lui a dit, Ayoub Mel Ahabou Ileka, il lui a dit, Al-Bakar, la vache. Il lui a donné, l'ange lui a accordé une vache pleine, il lui a dit, Barakallahu la kafiha, une doua de Baraka. Après, il est parti voir l'aveugle. Il lui a dit, avant que je vois les gens. L'ange l'a touché et lui a rendu la vue. Après, il lui a dit, les ovins. Il a eu une chèvre qui était pleine. Il a fait dora. Et après, ils ont tous eu des vallées entières. L'autre des vallées de chameaux, l'autre des vallées de bâches, l'autre des vallées de moutons. Après ça, il a eu le malak. Il est revenu vers ces trois-là, chacun, pour les tester. Chacun avec l'image qu'ils avaient auparavant. Il s'est rendu auprès de ce Abras. Il est venu, il lui a dit, je suis un homme pauvre, et j'étais en voyage, et je n'ai plus moyen de poursuivre mon voyage. Donc il lui demande, il lui a dit, As'aluka billazi artaka al-lawn al-hassan, wajid al-hassan wal-mal. Même Ibelen, Tabarar Bif et Safari. Je demande par celui qui a donné une belle peau, c'est-à-dire il lui fait le rappel, une belle peau et qui t'a rendu riche, un chameau pour poursuivre mon voyage. Et l'autre, il lui a dit, El Hur Kathira. C'est-à-dire les droits sont, il y a beaucoup de droits, c'est pas que à moi. Ou Inama Warsu Adelmel Akabir, que cet argent-là, j'ai hérité de mes grands-parents. Tu vois? Et il lui a dit, l'ange, Kanani Arlefouk, Alam Takun, Abras, ou Fakira, n'était pas quelqu'un qui était Abras, qui était pauvre. Tu vois? Et c'est là qu'il a dit, Nam, cet argent, je l'ai hérité de grands-parents. Il lui a dit, In kunta kaziban, fasayarakallah, wa la makunta ali, que si jamais tu manques, Allah te rende comme tu étais auparavant. Il est parti voir l'autre, le chauve, la même chose, la même réponse. Après, il est parti voir l'aveugle. Il lui a dit, même question. Il lui a dit, Kuntu أعمى فرد الله عليه بصري فأخذ ما شئت ودع ما شئت فلا أنك لا أملك شيئا أخذت لله اليوم. Dit, j'étais aveugle, Allah m'a rendu la vue, et j'étais pauvre également, il m'a enrichi. Prends ce que tu veux, délaisse ce que tu veux, je ne t'empêcherai de rien de prendre de ce que tu prendras pour Allah dans mes biens. Il lui a dit l'ange, Amsik alayka malak, fa inna Allah arada Allah an yabtaliyakum, fa qad radiya ank, wa sakhita ala sahibayk. Il a dit que garde ton argent, c'est juste Allah il a voulu vous éprouver, et qu'Allah t'a agréé toi, et s'est mis en colère contre tes compagnons, c'est-à-dire les deux autres. Pourquoi ? Ils n'avaient rien, on leur a donné, ils n'ont pas été reconnaissants par la suite. Pour revenir au shahid, de fait, tu as des gens, ils étaient pauvres, ils ont eu, et après ils sont venus encore pire que ce qu'ils étaient auparavant. Résultat, voilà, ils perdent la ni'ama qu'ils avaient. Donc ça, l'épreuve, elle est inévitable. Et une fois que l'épreuve, elle passe, le non, s'il arrive, c'est là que tu le reconnais, tu t'en réjouis. « Wa yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. Que la grande récompense ne vient qu'avec la grande épreuve. Celui qui agrée, il aura l'agrément d'Allah. Et celui qui s'irrite, Allah s'irritera sur lui. Ce qui t'arrive, tu t'ahammalou. Si jamais c'est une faute de ta part, t'as tout bilan Allah, t'as rejet à lui. Tu répares ton erreur. Si jamais c'est une chose qui est arrivée malgré toi, sans que tu ne saches comment ça arrive, alors qu'on a toujours une cause, mais bon, c'est pas une chose qui est apparente, pareil. Tu reviens à Allah Azzawajal, mais tu patientes. Tu patientes. Il y a plein de hadiths revenus sur le fait de devenir aveugle, de perdre des proches dans la vie, de connaître la fin, la maladie, tout ça qui amène à l'épreuve. Les NBA, on a connu des épreuves. On a connu des épreuves qui en sont arrivées. Ayoub a connu la maladie. Youssouf a connu la prison. La salam. Akaza, Kassim ibn Anbiya, Arafu. Nuh, il a connu le fait d'avoir tout son peuple contre lui. Même son fils qui est devenu kafir. Et les ulama disent que justement, dans chaque personne de Nabi, tu as une réfutation à chaque personne qui sera éprouvée, qui ne va pas patienter. Le malade, il a Ayoub comme exemple, celui qui se plaint. Celui qui est en prison, il a Youssouf comme exemple. Et ainsi de suite. Tout le monde a une hujja dans le Coran contre lui. Ou pour lui, ou contre lui. Soit un exemple à suivre, soit un argument contre lui, celui qui va se plaindre de ce qui lui arrivera. Donc le Nasr, il vient avec le sabre. Wakazalik, والفرج مع الكرب. Même la délivrance vient avec l'affliction. Il faut que tu sois, tu es affligé pour que la délivrance puisse venir. On explique ça va ensemble. Ça va ensemble. وكذا. Et il a dit, يقول فإذا اشتد الأمر فعلم أن فرج الله قريب. Maintenant que tu vois que l'épreuve s'intensifie, sache que la délivrance est proche. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فرحا وهو يضحك. Une fois le Nabi صلى الله عليه وسلم est sorti de chez lui en étant heureux, même en rigolant. فيقول لن يغرب عسر يسرين ولن يغرب عسر يسرين ثم قرأ فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que jamais une difficulté même ne pourra l'emporter sur des facilités. C'est-à-dire que la facilité sera toujours plus large. Tu auras une difficulté, après une grande facilité. Après une difficulté petite, une grande facilité derrière, à chaque fois. Donc c'est une bonne nouvelle qu'ils aient aux gens. Chaque fois que tu auras une épreuve, tu auras par la suite une période d'aisance, de facilité plus large. Après l'épreuve reviendra. Bien sûr, l'épreuve qui viendra sera plus grande que celle d'avant. Mais la facilité qui viendra derrière, elle sera plus grande que celle d'avant également. Et ainsi de suite. Il intaqi Allah Azza wa Jalla. فأسألك في بيئة هذا القدر اليوم والحمد لله.